Psaume 18. Psaume de David, serviteur de l'Éternel, qui prononça à l'Éternel les paroles de ce cantique le jour que l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, et principalement de la main de Saül, donné au maître chantre. Il dit donc, Éternel, qui est ma force, je t'aimerai d'une affection cordiale. L'Éternel est ma roche, et ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu fort et mon rocher, je me confierai en lui, il est mon bouclier, et la corne de mon salut, ma haute retraite. Je crierai à l'Éternel, lequel on doit louer, et je serai délivré de mes ennemis. Les cordeaux de la mort m'avaient environné, et des torrents des méchants m'avaient épouvanté. Les cordeaux du sépulcre m'avaient ceint, les lacs de la mort m'avaient surpris. Quand j'ai été en adversité, j'ai crié à l'Éternel, j'ai, dis-je, crié à mon Dieu, il a ouï ma voix de son palais, le cri que j'ai jeté devant lui est parvenu à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée, et trembla, et les fondements des montagnes croulèrent, et furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée montait de ses narines, et de sa bouche sortait un feu dévorant, des charbons en étaient embrasés. Il abaissa donc les cieux, et descendit, ayant une obscurité sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il était porté sur les ailes du vent. Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète, et autour de lui était son tabernacle, savoir, les ténèbres d'eau, qui sont les nuées de l'air. De la lueur qui était au-devant de lui, ces nuées furent écartées, et il y avait de la grêle, et des charbons de feu. Et l'Éternel tena des cieux, et le souverain fit retentir sa voix avec de la grêle et des charbons de feu. Il tira ses flèches, et écarta mes ennemis, il lança des éclairs, et les mit en déroute. Alors le fond des eaux parut, et les fondements de la terre habitable furent découverts, à cause que tu l'étançais, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Il étendit la main d'en haut, il m'enleva, et me tira des gros eaux. Il me délivra de mon puissant ennemi, et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait devancé au jour de ma calamité, mais l'Éternel me fut pour appui. Il m'a fait sortir au large, il m'a délivré, parce qu'il a pris son plaisir en moi. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, il m'a traité selon la pureté de mes mains. Parce que j'ai tenu le chemin de l'Éternel, et que je ne me suis point détourné de mon Dieu. Car j'ai eu devant moi tous ses commandements, et je n'ai point rejeté loin de moi ses ordonnances. J'ai été intègre envers lui, et me suis donné garde de mon iniquité. L'Éternel donc m'a rendu selon ma justice, et selon la pureté de mes mains, qu'il a connu. Envers celui qui use de gratuité, tu uses de gratuité, et envers l'homme entier, tu te montres entier. Envers celui qui est pur, tu te montres pur, mais envers le pervers, tu agis selon sa perversité. Car tu sauves le peuple affligé, et tu abaisses les yeux hautains. Même c'est toi qui fais luire ma lampe, l'Éternel, mon Dieu, fera reluire mes ténèbres. Même par ton moyen je me jetterai sur toute une troupe, et par le moyen de mon Dieu je franchirai la muraille. La voix du Dieu fort est pure, la parole de l'Éternel est affinée, c'est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, sinon l'Éternel, et qui est rocher, sinon notre Dieu? C'est le Dieu fort qui me ceint de force, et qui rend mon chemin uni. Il a rendu mes pieds égaux à ceux des biches, et il m'a fait tenir debout sur mes lieux haut élevés. C'est lui qui a dressé mes mains au combat, tellement qu'un arc d'airain a été rompu avec mes bras. Tu m'as aussi donné le bouclier de ta protection, et ta droite m'a soutenu, et ta débonnaireté m'a fait devenir fort grand. Tu m'as fait marcher au large, et mes talons n'ont point glissé. J'ai poursuivi mes ennemis, je les ai atteints, et je ne m'en suis point retourné jusqu'à ce que je les eusse consumés. Je les ai transpercés, tellement qu'ils n'ont point pu se relever, ils sont tombés à mes pieds. Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Tu as fait aussi que mes ennemis ont tourné le dos devant moi, et j'ai détruit ceux qui me haïssaient. Ils criaient, mais il n'y avait point de libérateur, ils criaient vers l'Éternel, mais il ne leur a point répondu. Et je les ai brisés menus, comme la poussière qui est dispersée par le vent, et je les ai foulés comme la boue des rues. Tu m'as fait échapper aux séditions du peuple, tu m'as établi chef des nations, le peuple que je ne connaissais point, m'a été asservi. Aussitôt qu'ils ont ouï parler de moi, ils se sont rendus obéissants, les étrangers m'ont caché leurs pensées. les étrangers se sont écoulés, et ils ont tremblé de peur dans leur retraite cachée. L'Éternel est vivant, et mon rocher est béni. Que donc le Dieu de ma délivrance soit exalté. Le Dieu fort est celui qui me donne les moyens de me venger, et qui a rangé les peuples sous moi. C'est lui qui m'a délivré de mes ennemis, même tu m'enlèves d'entre ceux qui s'élèvent contre moi, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi, ô Éternel, je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des psaumes à ton nom. C'est lui qui délivre magnifiquement son roi, et qui use de gratuité envers David, son oint, et envers sa postérité à jamais.